À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le Parti de gauche uni vénézuélien a publié le 3 un bulletin. Sous le titre « Le grand dirigeant qui a jeté le fondement éternel du Parti invincible », l'auteur a affirmé que l'histoire de direction du Parti du général durant des dizaines d'années est couronnée de ses immortels exploits d'avoir renforcé le Parti de travail de Corée en rang d'acier uni des avant-gardes et authentique organisation politique.